à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radioactive. C'est l'heure de retrouver Le Mag, votre émission quotidienne sur la vie locale et particulièrement associative. Alors à l'approche du mois de mars, vous imaginez bien que les initiatives en direction des femmes, puisque nous fêterons bientôt la Journée internationale des droits des femmes, ces initiatives se multiplient dans notre localité amboisienne, à l'image de la MJC qui prépare plusieurs événements autour de la célébration des femmes. Je reçois aujourd'hui Laurie Charpentier, qui est coordinatrice culturelle et également professeure de danse à la MJC. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors Laurie, avant d'entamer sur le programme que vous allez nous dérouler, quelle est votre fonction à la MJC? En quoi ça consiste d'être coordinatrice culturelle? Alors, être coordinatrice culturelle à la MJC, c'est gérer un peu tout ce qui est les ateliers hebdomadaires, d'organiser quand il y a une demande de stage. Ça peut être aussi tous les événements qu'on propose à la MJC. Mm-hmm. Voilà, c'est essentiellement ça ce que je fais de mon temps coordination. Et des événements, il y en a un paquet, donc on imagine que votre temps est compté. Et d'ailleurs, merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui pour pouvoir nous parler de tous les événements qui arrivent. Et puis la deuxième casquette, c'est celle de prof de danse depuis pas mal d'années. Au sein de la MJC, du coup, depuis 2 ans, je suis prof de dancehall, donc c'est de la danse de la Jamaïque, et street jazz qui est à la rencontre entre le hip-hop et le modern jazz. Voilà, donc on propose des ateliers d'éveil également, donc c'est de 3 ans à l'âge adulte. Ok, voilà. Dès 3 ans. Oui. Waouh. Alors justement, il y a un programme qui est riche et bien fourni pour célébrer le droit des femmes. Alors ça va se dérouler à partir du 1er mars avec d'abord une activité qui va plutôt, un événement qui va plutôt s'adresser aux 11-16 ans je crois. C'est ça. Le 1er mars, du coup, ça se déroulera de 10h à 16h au centre culturel en face d'Élysée. Et il y aura une rencontre, en fait, avec les associations féministes de Tours, notamment Stop HDR et Asso Féministe 37. Les membres, en fait, présenteront ce pourquoi ils et elles font partie de ces associations, leur lutte, pourquoi elles font ça, depuis quand, et leur quotidien. Et ensuite, ils et elles proposeront de nous aider sur des créations de pancartes avec des slogans qu'on connaît bien dans le monde féministe. Ensuite, sur ça, l'après-midi... c'est le matin. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Le matin et l'après-midi, du coup, on proposera d'aller voir une exposition. C'est à Possé-sur-Cisse. Qui s'appelle Elle au pluriel. Exactement, c'est ça. Donc, c'est une exposition qui est le samedi et le dimanche. Donc, on vous invite fortement à aller la voir. Et c'est de 11h à 18h. Et alors vous, Laurie, qui côtoyez régulièrement ce public ado hein, au travers des actions culturelles, vous avez le sentiment que c'est une préoccupation qu'ils ont, les jeunes, aujourd'hui, ces questions de féminisme, de rapport homme-femme? Alors, je pense que ça dépend d'où on vient, quel environnement on a autour de nous, quelle éducation. Je pense que vraiment, ça dépend de plein de choses. Mais il y a vraiment un élan en ce moment, je trouve, de se réapproprier un peu, notamment nos corps, nos droits, l'histoire. C'est pas forcément un besoin qui a été proposé, mais quand on leur propose de faire des choses, des projets par rapport à ce thème, on voit qu'il y a un engouement et il faut juste voilà, leur mettre les billes pour pouvoir accéder à cette culture qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il faut aller vraiment chercher l'info souvent. Mmh. Voilà. Donc là, plutôt vers les 11-16 ans, oui. Donc le 1er mars de 10h à 16h, il est plutôt conseillé pour le coup là, de s'inscrire, même si les autres activités dont on va parler juste après, elles seront gratuites en libre accès. Là, il sera plutôt question de s'inscrire pour le coup. Alors, gratuite toujours, mais le but c'est de s'inscrire pour pouvoir aussi savoir qui vient et proposer un accompagnement plus particulier, parce que si on a un groupe de 3 ou un groupe de 15, c'est pas forcément le même accompagnement qu'on a mais derrière. Oui. Donc voilà, c'est juste un souci d'organisation. Oui, bien sûr. Voilà. Donc comment font les jeunes ou les parents de jeunes qui nous écoutent? Sur quoi vont-ils pour s'inscrire? Eh bien, ils vont sur le site de la MJC d'Amboise. Ça peut être GoAsso aussi. Ouais. Voilà, y a le site de la MJC et quand on veut s'inscrire, ça nous renvoie directement sur la plateforme GoAsso où du coup, là, il faut être adhérente pour pouvoir s'inscrire. Mais sinon, on peut tout à fait aussi appeler le centre social d'Amboise ou la MJC pour avoir les informations ou aller directement sur les lieux où nous rencontrer, en fait, au centre culturel 30 rue de Ville-David ou au centre social rue Rémy Bello. Voilà. Très bien. Laurie, on va écouter Naïka. Et ça a du sens d'écouter Naïka avec My Body, My Choice. On y reviendra juste après l'écoute et vous nous expliquerez en quoi ça a du sens d'écouter cette chanson. C'est parti avec Naïka sur Radioactive. My body, we really talking about my body. My body, what to do with my body? One time, rewind, must have not heard this shit right. Mind your business, not mine, this is my body. Who are you? Hop off my back. Sur Radioactive, vous êtes toujours dans le MAG. Aujourd'hui, on célèbre les femmes avec Laurie Charpentier, coordinatrice culturelle, mais également professeure de danse, street jazz et dancehall à la MJC d'Amboise. Laurie est venue nous parler du programme pour célébrer les droits des femmes. On a parlé notamment du 1er mars avec une rencontre entre des jeunes et des assos féministes au centre culturel rue de Ville-David à Amboise. Une journée qui sera ponctuée par la création de pancartes avec des slogans, mais aussi la visite d'une expo à Possé-sur-Cisse, une expo qui s'appelle Elle. Mais ce n'est pas tout, puisque le 8 mars, il y a encore plein de choses au programme. Qu'est-ce qui nous attend pour le 8 mars et pourquoi écouter Naïka avait du sens, justement? Alors, ça fait plein de questions dans une. Alors, on va parler du coup de Naïka avec son son, justement, sa musique My Body, My Choice. Ça vient de Megan, en fait. Megan, qui est notre trésorière à la MJC, mais qui est aussi adhérente dans mes ateliers dancehall, notamment. Mm-hmm. Elle a eu envie de créer une chorégraphie féministe et commune à toutes les femmes qui seront présentes lors de la soirée du 8 mars. Super. Dont on parlera après. Mm-hmm. Eh ben, on est impatients de savoir ce qui nous attend le 8 mars au soir. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la journée, déjà? Alors, l'après-midi, du coup, de 14h à 18h au centre culturel, c'est un temps ouvert aux jeunes de 11 à 16 ans. Et ces jeunes seront amenés à travers des ouvrages qu'on a empruntés, en fait, à la médiathèque. Ce sont des ouvrages avec plein de femmes inspirantes de l'histoire. Mmh. Le but, c'est que les jeunes cherchent dans ces livres une femme qui les inspire plus que les autres, et d'en faire une fresque murale de toutes les femmes choisies par les jeunes. Voilà, donc ça peut être Frida Kahlo, Marie Curie, ça peut être Simone Veil, enfin voilà, c'est vraiment des... Ça peut être Cléopâtre, c'est vraiment des femmes d'ici, d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Oui, qui ont laissé une empreinte particulière. Exactement. Et donc fresque murale et des productions artistiques aussi, je crois. Ouais. En fait, de partir de ce que ça leur fait comme émotion chez elles et chez eux, aux jeunes, pour en créer une œuvre, leur propre œuvre en fait. Donc ça peut être chorégraphié, ça peut être chanté, ça peut être du théâtre, ça peut être du slam, ça peut être de la peinture. Ça... Vraiment, il faut que ce soit propre à eux, elles, et inspiré de ces femmes qui ont influencé l'histoire. Et donc ça, ça a lieu où? Au centre culturel. Toujours? Toujours. D'accord. Par contre, le soir, on change de lieu. C'est ça. Le soir, on change de lieu, ce sera rendez-vous à la salle ping-pong dans le dojo à côté du centre social rue Rémi Bello. C'est une soirée pour mettre en valeur les femmes de nos ateliers hebdomadaires. Donc du chant, de la danse, du théâtre improvisé, du théâtre écrit, du dessin, de la peinture. C'est vraiment de leur faire une ode aux femmes créatrices. C'est une soirée qui sera divisée en deux temps en fait. Il y aura la première partie avec ces présentations de leurs œuvres. Et la deuxième partie, on dansera sur les sons proposés par DJ Maj, avec des sons féministes, mais pas que. Voilà. Et la choré de Megan. Exactement, en transition entre les deux, du coup, c'est la choré de Megan sur My Body, My Choice, qu'on proposera au public. Et je crois que justement, pour articuler tout ça, vous avez imaginé des approches telles que le maquillage paillettes ou des jeux qui vont être prêtés par le planning familial. C'est ça, oui. Du coup, en marge de la soirée, il y aura le dispositif Free Paillettes avec l'association Les Établis. Le maquillage paillettes est un médium pour inviter les femmes à parler des difficultés, des problématiques de leur quotidien, en fait, dans l'espace privé, dans l'espace pro, dans l'espace public. En plus du maquillage paillettes, il y aura un jeu prêté par le planning familial et dont va s'occuper Milo. Oui, tout à fait. Donc c'est un jeu qui s'appelle Moi c'est Madame et qui nous est prêté par le planning familial. Milo, qui est notre volontaire service civique en ludothèque, va animer ce jeu. Donc c'est un jeu pour apprendre à avoir de la répartie contre une agression sexiste verbale. Qu'est-ce qu'on répond quand on se fait siffler dans la rue ? Exactement. Ah, c'est intéressant. Exactement. Est-ce qu'il y aura moyen de se restaurer sur place, une buvette ? Alors, il n'y aura pas de restauration, mais il y a la buvette qui est tenue par deux de nos salariés, du coup, Héloïse et Rachid, et des bénévoles qui seront là aussi pour nous aider sur toute l'organisation et notamment sur la buvette. Parfait. Ces manifestations-là, elles s'adressent à qui ? Parce que tout à l'heure, on parlait des 11-16 ans pour la partie création de pancartes, etc. Mmh. Là, on est sur un plus large public. Exactement, ça va être femmes, hommes, minorités de genre. Enfin, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des enfants qui viennent. Enfin, on sait déjà qu'il y a des enfants de femmes qui vont présenter, en fait, qui seront là. C'est ouvert à tout le monde. Super, et bah, que de belles initiatives à la MJC d'Amboise. Un gros boulot d'animation qui est fait pour valoriser pour le coup les femmes, parce qu'on n'est jamais assez valorisé. C'est important de le dire. Eh bien, merci beaucoup. Laurie, on rappelle peut-être les coordonnées de la MJC pour plus de renseignements, sachant qu'il y a le GoAsso, il y a tout ça, il y a une page Facebook aussi qui est très Exactement. Bien alimentée avec oui. les informations, notamment avec le service civique en communication, Héloïse, voilà, qui est là, et qui publie régulièrement tout plein d'informations. Et qui est accompagnée de Zoé. De Zoé, qui est en stage actuellement, parce qu'à la MJC, il y a toujours plein de monde, voilà. Mmh. Il y a également l'application Cilia. Exactement. C'est Héloïse aussi qui est en charge de mettre des actualités sur cette appli. Ça parle de nos événements, de nos stages qu'on propose à la MJC. Mmh. Clara nous avait parlé de ça également aussi. Donc, on l'installe sur son téléphone et on a tout. On a tout le programme. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Exactement. C'est parfait. Eh bien, merci beaucoup, Laurie. On espère que toutes ces manifestations recevront tout le succès qu'elles méritent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Un petit mot pour nos auditeurs, pour les inciter à venir vous rejoindre sur ces dates. C'est vraiment un projet fondamental pour tout le monde. C'est important de donner de la place, de donner des billes à la jeunesse aussi, pour pouvoir se construire avec une identité, pas forcément féministe, mais... Merci de nous avoir invités sur ce temps. Eh bien, avec grand plaisir, on se quitte pour ce mag d'aujourd'hui que vous pourrez réécouter en podcast sur la page Radioactive 93 et 94.7 FM. À très vite sur nos ondes.